Microsoft officialise sa manette adaptive Xbox pour les personnes en situation de handicap. C'est jeuxvideo.com qui a dégainé, en tout cas parmi les premiers, en France hier, pour nous rapporter cette news. Alors on nous dit que son design avait fuité il y a quelques jours. Microsoft l'a désormais officialisé. La manette adaptative Xbox sortira d'ici la fin de l'année pour, je cite, « lever les barrières auxquelles sont confrontés les joueurs en situation de handicap ». Déjà, je fais une petite parenthèse, puisque moi n'étant pas tellement familier ni fan de l'univers Xbox, vous savez, moi je suis plus Nintendo et PlayStation, j'avais quand même repéré depuis quelques temps que Xbox communiquait beaucoup sur les joueurs en situation de handicap et vraiment faisait pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je tenais donc à vous parler ce matin de l'officialisation de cette manette, car je trouve la démarche tout à fait formidable et vraiment je tenais à rendre hommage vraiment à l'équipe Xbox ce matin. Bref, donc Microsoft officialise cette manette et d'après David Combarieux, le fondateur de Andy Gamer, dont on a déjà parlé dans cette émission et qui s'exprime sur le Xbox Wire, c'est du jamais vu sur une console. Car jusqu'à maintenant, les joueurs à mobilité réduite, nous dit jeuxvideo.com, rencontraient plusieurs difficultés vraiment pour jouer. Et donc Microsoft compte leur donner une solution avec donc cette manette qui est adaptable dans diverses configurations. Vous verrez ça dans le lien de toute façon qui sera dans la description de l'émission. Donc savoir que c'est pour Xbox One et bien sûr aussi c'est compatible PC. Donc cette manette prend la forme d'un pad rectangulaire qui n'est pas sans rappeler les manettes de la NES, nous dit JV.com, sur lesquels figurent deux gros boutons en forme de cercle. Ces derniers sont entièrement paramétrables. Ça, c'est très important à préciser, puisqu'il est possible de leur attribuer n'importe quelle touche d'une manette classique grâce à l'application accessoire Xbox. Toutes les fonctions des manettes sans fil Xbox classique sont également disponibles, comme la connexion sans fil, le Bluetooth, la connectique USB et une prise stéréo 3,5 mm. Elle fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable par USB type C ou sur alimentation secteur. Microsoft a également collaboré avec des constructeurs tiers afin de permettre la mise en charge d'accessoires externes pouvant se brancher directement dessus, comme le Game Controller de Quad Stick ou l'Extreme 3D Pro Joystick. Ils seront listés dans le lien que je vous donnerai dans la description de l'épisode, bien sûr. David Combarieux donc commente la démarche. David Combarieux, le fondateur d'Andy Gamer, nous dit, je cite, « C'est une excellente initiative qui va dans la direction attendue par les joueurs handicapés. Ce qui m'a évidemment marqué tout de suite, ce sont les 19 prises jack, soit une par contrôle. Ces prises permettent de brancher des contacteurs que l'on trouve sur le marché et d'autres qui seront, je pense, prochainement créés pour continuer à proposer des manettes et configurations toujours plus adaptées aux besoins du joueur. Cette manette ouvre la console à tout le matériel traditionnellement réservé aux joueurs PC. C'est une grande nouveauté pour les joueurs handicapés. Les contacteurs utilisés aujourd'hui dans le monde médical ou la domotique qui se branchent sur des prises jack deviennent directement compatibles avec la Xbox One, alors que jusqu'à présent, il fallait fabriquer nous-mêmes des contacteurs ou modifier des manettes classiques. C'est vrai que le fondateur d'Andy Gamer avait souvent communiqué là-dessus sur son compte Twitter. Vous tapez Andy Gamer sur Twitter, vous verrez que si vous remontez le fil de ses tweets, il avait vraiment, lui et l'association, ont toujours vraiment poussé la création de manettes, d'accessoires et de conditions de jeu décentes et tout simplement ergonomiques pour les joueurs en situation de handicap. Bref, je salue encore à nouveau le travail de Andy Gamer, le travail de Xbox sur ce sujet-là qui me tient énormément à cœur. Donc j'espère que les autres vont emboîter le pas. Ce qui serait bien, c'est que Sony et Nintendo se mettent aussi dans la boucle. Les joueurs en situation de handicap sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. On en a déjà parlé maintes fois dans cette émission, mais il est toujours bon de faire un pic de rappel en ce sens. Et donc j'espère que les initiatives de ce type vont se multiplier à l'avenir.